Il y a quelqu'un qui appelle en plus. Le son mystère. Bon, on va répondre tout de suite, quelqu'un. Le son mystère. Vas-y. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour, j'appelle pour le son mystère. Bonjour. Avant même qu'il ait commencé. Oui. Ah, il est sur le site internet. Il est sur le site. On l'a écouté ce matin. Ouais. On va peut-être juste le rediffuser. On va peut-être le réécouter, oui. Pour que tout le monde puisse l'entendre. Donc c'est un son de l'artiste Mélia Roger. Wow. Voilà. Alors, on dirait un œuf au plat qui grille. Un œuf au plat qui grille. Est-ce que c'est la bonne réponse, Rudy? Ah, je crois que non. Vous avez... Ah merde, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, merci. Vous vous appelez comment? C'est bien essayé. Mais on n'a rien entendu. Comment vous vous appelez? Johanna Monnier. Bonjour Johanna Monnier. Ben, merci Johanna. Donc t'as pas gagné le ticket, l'entrée pour le concert, si je me trompe, de Katie Lane. Mais tu peux quand même, c'est pas cher. Donc, tu peux quand même venir l'écouter. Bon, je me réjouis de savoir ce que ce sera, mais c'est vrai qu'avec le son du téléphone, ça rajoute de l'adversité. Hein. Ah ouais. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Merci. Merci à vous. À demain. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir. Et on saura lequel est le son mystérieux. Est-ce que vous avez une opinion? J'ai vraiment pas d'idée. Mais attendez, est-ce qu'il y a plusieurs sources? Alors, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est un son. Il y a une seule source. Hein, et mais personne composé de multiples choses ou pas? C'est qu'une prise de son. C'est une seule prise de son. Oui, mais est-ce qu'il y a plusieurs choses? Oui, il y a plusieurs choses. Mais c'est un événement. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle a mis des choses ensemble. Moi, j'aurais dit chose... soit une bouche, soit une porte. Alors, ça grince. Sacré bouche. C'est ça, mais j'essaye de comprendre qu'est-ce qui grince. Et je me dis, alors, une porte qui grince, c'est le son qui est à côté, n'a aucun sens. Ouais, donc, je me dis, c'est pas une porte qui grince, mais quelque chose grince. C'est vrai que la porte qui grince, quelque parfois, elle ressemble à un animal. Quoi, non? On a l'impression que c'est un feu, peut-être, qui fait grincer quelque chose, parce que... Je vous propose qu'on écoute donc la réponse. Ah non, moi je veux l'entendre encore une fois. Oui, alors on l'écoute encore une fois. Ah. Il y a un oiseau aussi. Est-ce que ce serait... Justement, oui, quelque chose dans la nature, à savoir pas de la sève. Peut-être est-ce que c'est la sève d'Olga Kuchárová qui monte dans les arbres. On s'approche. On s'approche. Ouais, mais il y a quelque chose. Et peut-être quelque chose qui brûle et du feu et des oiseaux. Non, brûler. C'est une activité animale ou végétale enregistrée et amplifiée. De nid chauffe. De nid. Mais alors, on s'approche de l'invitation. Végétal ou animal. Sur un nid. Dans un nid. Ou dans un marécage, ou dans un... Enfin, on se rapproche. On s'éloigne de l'eau. On se rapproche. Ah oui, alors des canards, des petits canards, enfin des petits trucs, quoi. Des petits animaux, des bébés. Des tétards. Bon, mais un peu plus grand. Ouais. Cette fois-ci, je vous propose qu'on écoute... Des oies, des cygnes. Le temps passe, mais qu'on écoute la réponse. Donc c'est l'artiste Mélia Roger, qui est une artiste sonore et une monteuse son pour le cinéma. Et donc elle nous a fait un petit enregistrement où elle nous explique sa prise de son. Le son que vous avez entendu est en fait enregistré avec des hydrophones, donc des micros qui vont sous l'eau. Donc là, on est en Camargue, au soleil, dans un marais, avec beaucoup de moustiques. Et en fait, les plantes aquatiques dues au soleil font de la photosynthèse et en fait relâchent de l'oxygène sous l'eau. Et l'hydrophone vient percer ces petites bulles-là. Et c'est ce qu'on entend... Voilà, de manière assez chantante dans l'enregistrement. Dis donc, Mélia, elle met la barre très, très, très, très haut dans le son du jour, là, le son mystère. Oui. Comme vous pouvez le voir, ça va être très difficile de gagner une place pour les concerts du soir. On a presque les gagné une place, chères, mais... Alors qu'elles ne le sont pas, mais... Ah, mais bravo, Mélia. Va leur ajouter. Magnifique. Mais j'ai bien aimé l'histoire de Le Faux Plat. Oui, c'est super beau. Moi, c'est toujours génial, les histoires. Il y a neuf. Non, mais il n'y avait même pas d'oiseaux dans l'histoire. Mm. Oh. En tout cas, merci Marie, merci Denis. Bon continuation, bon début du festival. Mais de même. Hein? Oui, merci. Et nous, on va passer à un moment magique de Tutto Sonic.